menti aujourd'hui, je mène cette vie. C'est de ma faute si j'aime trop l'alcool et c'est de ma faute si ma s'est fait des cheveux blancs. C'est de ma faute, j'aurais dû mieux cacher mon âme. C'est de ma faute si tes escaliers sont dégradés. 20 années à rouiller, des traces j'en ai laissé. C'est en partie de ma faute si ton fils a commencé à fumer ses premières barrettes, je l'ai fourgué. Ma faute ce son, je voulais t'ouvrir les yeux, mais j'ai contribué à te fermer les portes de la vie. C'est de ma faute quand je vous accroche et que je me barre. Ok, c'est de ma faute. Tu te fais serrer avec mon ch... T'as pris bonbon pour quelques plaquettes de chocolat. Hey, c'est autant ta faute que la mienne. Alors ferme ta gueule et assume tes actes. C'est de ma faute, pas celle des autres. Dis-moi pourquoi je n'assume pas. Si je me vaux, c'est pas une autre qui assumera les dégâts pour moi. C'est plus de ma faute que celle des autres quand je me pète la tête dans les périodes de doute. Notre surconsommation n'est pas le hasard des cartes. Ma mauvaise nutrition ou mes nuits trop courtes. C'est ma faute si je cède quand le mal me tente. Si un jour je finis dehors sous une toile de tente. Si tu ne profites pas des plaisirs d'être avec ta famille et que tu pleures des rivières une fois qu'ils sont partis. C'est ma faute si je vois le mal partout et que je veux la recette annuelle des casinos par touche. C'est ma faute encore si je ne fais pas mes affaires assez discrètement et que je me retrouve enfermé. Premier fautif de la plupart de mes méfaits. Si Dieu met des épreuves sur ton chemin, c'est pour tester ta foi. Comme à chaque fois, tu fais péter, tu deviens vert d'orage. Mais si c'est toi qui fais la faute, c'est toi qui prends le carton rouge. C'est de ma faute, pas celle des autres. Dis-moi pourquoi je n'assume pas. Si je me vaux, c'est pas une autre qui assumera les dégâts pour moi. C'est de ma faute, pas celle des autres. Dis-moi pourquoi je n'assume pas. Si je me vaux, c'est pas une autre qui assumera les dégâts pour moi. C'est de ma faute si je pèse sans capote, je fais un gosse, c'est ma faute aussi. Je regrette rien, j'assume tout ce que je dis. Un être humain avec un peu de défaillance, voici mon profil. Si je vois mon plan, c'est de ma faute, y'avait troisième personne au bout du fil. C'est un collatéral des matchs constatés par la police civile. Les conflits mondiaux, c'est bien de la faute des gens d'en haut de la pyramide qui en profitent pour faire gonfler leurs capitaux. Moi, tout mon dos s'est chargé, j'ai des torts en l'eau, des dettes à payer. Mes frères qui galèrent juste pour de l'eau. Si j'incite les plus jeunes, je dirais c'est de ma faute, car je les inciterai en bien pour la gloire de tous les sauts. Les séquelles de nos erreurs. Reste à jamais dans nos cœurs. Elles m'ont appris quand même de rien attendre, surtout de la rancœur. Maintenant, tu vois, tu fais ce que tu veux. Je décide, j'assume, c'est de ma faute. C'est de ma faute, pas celle des autres. Dis-moi pourquoi je n'assume pas. Si je me vaux, c'est pas une autre qui assumera les dégâts pour moi. C'est de ma faute, pas celle des autres. Dis-moi pourquoi je n'assume pas. Si je me vaux, c'est pas une autre qui assumera les dégâts pour moi.